choses au clair pour me retrouver. Mais tout est lent et je ne peux m'y faire. Dois-je rester ou m'en aller quand l'amour est tout ce que j'ai? Mais je ne peux retrouver ce que mon cœur veut envers.